c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi. Bonsoir, nous sommes le jeudi 6 juillet et vous écoutez le magazine Libertaire, une émission diffusée tous les jeudis de 20h40 à 22h sur Alternante. Alternante, on peut l'écouter sur le 91.1 à Nantes et le 98.1, je crois que j'ai dit autre chose. 98.1 à Nantes et le 91 à Saint-Nazaire. Alternante, c'est une radio associative qui a besoin du soutien de ses auditeurs et de ses auditrices pour diffuser ses émissions. Vous pouvez nous joindre par téléphone pendant l'émission au 02 40 93 26 62. Vous pouvez aussi nous joindre par mail à maglib@boom.org et réécouter nos émissions en podcast sur le site maglib.boom.org. Et ce soir, on va parler d'une pièce de théâtre qui est en train de se jouer actuellement à Nantes, qui s'appelle « Pisser dans l'herbe ». On va parler du bac, on va écouter plusieurs sons, on va notamment écouter un son d'une émission qui s'appelle « La revanche des hérissons » et qui parle de la prochaine loi travail. Il y aura le billet de Martin et les annonces. Oui, alors on va commencer par parler donc d'une pièce de théâtre, comme tu l'as dit, qui se joue actuellement à Nantes. Ça se passe à Beach, donc c'est aux 3 rues aux ateliers de Beach. Aux 3 rues de Beach à Nantes. Je ne sais pas si la pièce n'est peut-être pas encore commencée, donc les personnes qui sont intéressées peuvent y aller tout de suite. Et donc c'est Pisser dans l'herbe, en fait. C'est une pièce qui a été créée en décembre dernier. Elle est à la Parole Errante à Montreuil et elle est produite par le Théâtre du Sable. Et elle est interprétée par Philippe Guéhaminet et mise en scène par Marie-Paul Guillet. Et elle est écrite en collaboration avec Christine Ribailly. Christine, donc, on a parlé régulièrement sur cette antenne, qui est une bergère qui a été détenue pendant 4 ans, donc qui était en prison pendant 4 années. Et on les a rencontrées cet après-midi. Et on a fait un petit enregistrement où ils présentent la pièce de théâtre donc, qui se joue ce soir. Et demain soir, c'est sur la ZAD, c'est à la Wardine et c'est aussi à partir de 20h30. On vous laisse écouter l'enregistrement, on se retrouvera pas. Présenter la pièce, le truc à dire à la base, c'est que ça s'appelle « Pisser dans l'herbe ». Et la fiche de la pièce, c'est un bonhomme derrière la grille qui pense. Alors, c'est parti. Ouais, c'est parti. Et en fait, ça raconte ça. Ça raconte l'histoire d'un personnage fictif qui s'appelle Camille, à savoir pourquoi, et qui espère un jour pisser dans l'herbe. Parce que pour l'instant, ce personnage-là, qui est une nana, c'est quand même assez clair que c'est une nana, elle est en taule et elle espère pouvoir sortir un jour et pouvoir sortir debout. Et donc, ben, ça veut dire lutter dedans, et lutter dedans, ça veut dire voir la sortie s'éloigner à fur et à mesure. Et c'est tout le truc de voilà, puisque tu veux sortir, ça va durer plus longtemps. Et c'est le choix de la mise en scène, mais ça c'est toi qui vas le dire, dire que c'est pas gagné, quoi. c'est pas une pièce super optimiste. Si, c'est une pièce optimiste. Absolument pas. Après, c'est pas un choix de mise en scène, c'est l'histoire qui amène ça. Moi, sur la mise en scène, j'ai reçu une histoire avec un travail d'écriture entre deux personnes, donc Christine qui est en prison et Philippe qui travaillait dans l'optique de monter le texte en théâtre. Du coup, moi, j'ai récupéré leurs échanges, et on a travaillé avec Philippe en tant que comédien sur le plateau à réécrire l'histoire, mais c'est pas l'histoire en elle-même. Voilà, ce personnage se bat, essaye de sortir et veut sortir debout, et du coup, ça entraîne des choses, des conséquences, et c'est ce qu'on raconte. Et c'est mais ce personnage tient toujours, ne lâche pas, essaye de rester debout. Et c'est assez humainement, c'est assez beau à voir, mais ce n'est pas drôle. C'est-à-dire qu'il essaye de, il se retrouve, le personnage se trouve confronté à l'autoritarisme de l'administration pénitentiaire, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il se révolte contre cet autoritarisme, l'administration pénitentiaire se venge. Donc du coup, le personnage reprend de la tôle l'affaire, et en partant au départ de 2 mois de sursis de prison, il se retrouve à faire 4 ans de prison. C'est un petit peu le cas de beaucoup de détenus qui se révoltent contre le système carcéral, qui se retrouvent face à des injustices que l'administration pénitentiaire et la justice imposent. Et une personne qui est vraiment sur l'équité et sur la justice ne peut pas accepter ça. Et voilà, ce personnage-là est comme ça. Et du coup, il s'enfonce finalement au fur et à mesure du temps à essayer de lutter pour ses droits, quoi. Pour ses droits et les droits des prisonniers en général. Voilà. Et comment vous avez donc pu travailler tous ensemble, parce que Christine était en prison? Ouais, j'étais en taule. Voilà. Et moi j'écrivais à mes potes surtout, qui eux disaient ce texte-là, si on retire le salut, comment tu vas, comment vont les enfants, est-ce que le chien a appris à travailler correctement au troupeau. Il y avait les récits de ce que je racontais. Et il les mettait sur Rébellion, ou Paris du Tinfo, je sais pas sur comment ça s'appelle, du Média Nantes, oui. Enfin, non. Voilà. Il en voulait. Et donc, Philippe est tombé sur ces textes-là, et un jour, j'ai reçu une lettre d'un parfait inconnu qui dit « Ouais, j'ai vu tes textes, ils sont géniaux, machin, je vais en faire une pièce de théâtre. » Et donc, on a commencé à discuter, à s'écrire, puisqu'on n'a jamais eu de permis de visite ensemble. À s'écrire, on s'écrivait beaucoup, hein. Et puis alors, toi, quand t'écris, tu fais pas semblant. Ouais, ouais. Des grandes lettres. Bien écrit. Et on s'écrivait, je sais pas, au moins une fois par semaine, en disant voilà, j'ai lu tel texte que t'as écrit, je pense l'utiliser comme ci comme ça. Donc moi je répondais, ouais mais attends, moi je raconte ça, mais j'ai d'autres voisines qui peuvent raconter autre chose, donc j'en parlais dans la cour de promenade à d'autres filles en disant, il y a un type qui veut faire une pièce de théâtre, est-ce que vous avez des choses à raconter. Philippe de son côté, je lui disais tu pourrais écrire à tel tolard ou tel autre, ou voilà. Et donc lui aussi il rencontrait par correspondance d'autres personnes, et puis après il y avait la rencontre avec les gens de l'Envolée au moment de la loi travail, prison par terre. C'est un texte vraiment multiple. Bon, c'est vrai qu'il y a pas loin de 75% des textes qui sont géniaux. Christine m'a en fait donné une autre... Enfin, il y a Émilie, une fille qui s'appelle Émilie, qui a donné un autre texte aussi, qui a nourri le spectacle. Elle m'a mis en relation avec Philippe Lalouel aussi, duquel j'ai pris un texte qui a intégré le spectacle. Donc en fait, il y a effectivement 70% du texte qui est de Christine, il y a une lettre d'Émilie, une lettre de Philippe Lallouel, et là-dessus, j'ai ajouté des extraits du texte « Pourquoi faudrait-il punir ?» de Catherine Baker, qui elle n'est pas une détenue, mais qui est une femme, qui est une journaliste au départ, et puis qui a écrit beaucoup de bouquins sur la libération de l'école, choses comme ça, et notamment aussi ce bouquin-là sur le milieu carcéral qui s'appelle « Pourquoi faudrait-il punir ?» Voilà, donc ça, tout ça, ça a agencé un texte, moi j'ai fait un montage, j'envoyais à Christine le résultat, elle me disait oui, non, ça, voilà, en fait on a un peu travaillé en collaboration comme ça. Et effectivement, une fois qu'on a eu une base de texte assez solide, j'ai demandé à Marie-Paul de faire la mise en scène, et une fois qu'on met un texte qui est écrit sur une scène, on est obligé de l'épurer pour que ça fonctionne sur le plateau, quoi. Donc ça, c'est Marie-Paul qui a fait ce travail d'épuration du texte, pour aller à l'essentiel et ne pas se perdre dans des anecdotes, choses comme ça, faire des choix. Voilà, et après, donc on a un texte qui est assez solide, qui ça dure 1h10, le spectacle, et voilà. Je demandais aussi si toi, tu avais envie de passer un message, du coup, aux détenus à Nantes, qu'on passe sur la FM à la radio, et du coup, si tu as envie de passer un message... C'est... Ouais, si des filles, ou des filles et des gars, hein, enfermé à Nantes, écoute. Bon, d'abord, salut à vous. Et ouais, donc s'il y a quelqu'un qui a des nouvelles de Corinne, donc elle est passée par Rennes il y a deux semaines. Elle a morflé au mitard. On sait que l'OIP va lui écrire. Je lui ai écrit aussi. Voilà, qu'elle se fasse connaître, si elle a besoin d'un coup de main d'un avocat, parce qu'on sait que quand les matons lui tapent dessus au mitard, ils vont déposer plainte pour dire que c'est elle qui est violente. On connaît la combine. Si elle a besoin d'un avocat pour l'aider face à cette garde à vue et au procès qui va suivre, on peut trouver ça, on peut l'aider. Donc si quelqu'un connaît Corinne, qu'il lui fasse savoir qu'elle est pas toute seule. Oui, donc on est toujours dans l'émission du magazine Libertaire. Donc vous venez d'entendre Christine, Philippe et Marie-Paul, donc qui sont à l'origine de la pièce Pissée dans l'herbe, qui se joue ce soir aux 3 rue de Beach, aux ateliers de Beach à Nantes, et demain soir à la Wardine sur la ZAD. Et sinon, il y a des prochaines dates, alors je les ai pas en tête, hein, mais il y a un blog qui s'appelle Pissée dans l'herbe tout attaché, wixsite.com/blog. Voilà, vous pourrez retrouver donc toutes les prochaines dates où la pièce pourra être jouée. Alors ensuite, nous allons faire une pause musicale avant de passer à une petite information sur les bacheliers. Sačirikljo, ljubav džilabe, mur džilabe, samo za tu te. U aču če, oči šukar džili, samo za mende, volja džilabe. Ah, jesi bu, minja bila kriva, da ta pisica ljulje tjela ja. Me hutava obu na to more, Meka Marisao Touch it. каждая птичка любви поет, а эта птица теле запоет. Вашу чело чишу кордили, само за менде вояджила бел. Так если бы меня была крила, тогда без птица улетела я. Ме хутова на то море, а до Нью-Йорк ме камарисал. Sačirikla, o ljubav džilabel, muri džilabel, samo za tu te. Wow. Donc, moi, pour la dernière de la saison, j'avais pas envie, comme d'habitude, de parler de gueule en son, de personnes en commun, après avoir rencontré des gendarmes ou la BAC, des morts par la police, de l'état d'urgence, de la SNCF qui doit signaler les manifestants qui prennent le train, les 11 vaccins pour les bébés bientôt, et les contrôles CAF qui se renforcent et tout. Donc non. Alors j'ai pas trouvé de truc rigolo, mais j'ai trouvé un truc sympa. Donc c'est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le président de la région, c'est Laurent Wauquiez. Et donc, cette région accorde une bourse au mérite de 500 euros aux bacheliers qui ont obtenu la mention « très bien » au bac et sans condition de revenu. Donc, dans une lettre ouverte publiée sur rue 89 Lyon, une dizaine d'élèves du lycée Antoine de Saint-Exupéry à Lyon ont décidé d'agir pour une région plus juste. Donc, je cite... Nous refusons d'utiliser cette prime pour un usage personnel, d'autant que cette distribution de fonds publics se fait en parallèle d'un désengagement massif de la région du secteur associatif, qui se traduit par un recul des services publics d'intérêt général. Nous avons ainsi décidé de reverser les 500 euros que vous nous accordez à une association d'intérêt général. Donc, dans leur lettre, les lycéens soulignent que cette prime est injuste parce qu'elle est accordée à des élèves qui sont sans doute favorisés dès le départ. Il y a 6000 lycéens qui pourraient être concernés par cette bourse, dont le coût est évalué à environ 3 millions d'euros pour la région. Donc, les bacheliers rappellent que de nombreuses associations à but non lucratif ont vu leurs subventions fortement baisser depuis l'élection de Laurent Wauquiez. Et donc, y a, c'est le cas des structures de promotion de l'agriculture bio et paysanne. C'est dans le domaine de la solidarité internationale, de la culture, de l'éducation à l'environnement, des droits des femmes, etc. Donc, ils ont décidé de faire don de leur bourse au mérite au réseau Rhône-Saône, qui rassemble les MJC de l'Ain, du Rhône et de la métropole de Lyon. Et ils appellent l'ensemble des nouveaux bacheliers d'Auvergne, Rhône-Alpes, qui ont reçu la mention « très bien », donc de se joindre à eux en reversant eux aussi cette bourse illégitime, disent-ils, à une des nombreuses associations. Il y a un contact, c'est une adresse électronique, Jeune, avec un S tout attaché, Jeune Aura. Jeune, avec un S, A-U-R-A, @gmail.com. Donc, on peut éventuellement les contacter, même les féliciter, parce que bon, voilà.

solennellement au nom de toute une rédaction qui a voté pour vous sans la moindre hésitation. Nous vous souhaitons d'écrire la success story du re-engineering de notre démocratie. Vous nous verrez flexibles, efficients, productifs dans un monde connecté, hyper compétitif, chroniqueur attentif de vos poignées de main, du lifestyle de madame, de son parfum. Nous digitaliserons les process métiers afin de renforcer notre attractivité. Tel est notre pari, gagnant-gagnant, être à votre service, tout simplement, Monsieur le Président. Les bonnes nouvelles de notre liberté sont sur Bienveillance TV. À Calais, tout s'est arrangé. L'afflux migratoire est parfaitement maîtrisé. La jungle a disparu et nos policiers héros chassent les derniers sauvages en les privant d'eau. Pendant qu'à Paris, porte de la Chapelle, la mairie expose une œuvre forte et belle. Intitulée sobrement « Pierre contre migrants », saluée par la critique, unanimement. Phénomène de mode ou véritable tendance, on assiste au boom des bijoux de surveillance. Terroristes et activistes politiques portent désormais un bracelet électronique. Enfin, n'oubliez pas que dorénavant, la police peut vous demander vos identifiants, vos mots de passe, vos photos de vacances, dans la bonne humeur et la bienveillance. Moi, je suis auto-entrepreneur. Et toi, tu cherches toujours un emploi ? Non, j'ai trouvé. Ah, tu fais quoi ? Moi, je suis auto-chômeur. Et ça consiste en quoi ? J'auto-encadre ma non-recherche d'emploi. Waouh ! Mais construire un pays dynamique, c'est aussi un travail d'équipe. Appel général à tous les technos. Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. C'est vraiment les hommes et les femmes de qualité qui vont faire la différence par leur leadership dans ces périodes de crise. Le modèle de management de leadership hybride, avec un leadership vraiment présent sur la balle, authentique, que la croissance, il faut aller chercher où elle est. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. ESSEC is very happy to organize this conference on extreme events in finance. Risk management, asset management. Lire, écrire, compter et respecter autrui, qui à mon avis sont les quatre piliers de l'école primaire. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Le cancer est une pathologie modélisante du patient acteur qui doit se prendre en charge. Les patients vont avoir un séquençage complet de leur génome qui va rentrer dans un grand ordinateur qui centralisera les données de tous les patients. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Monsieur Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb, âgé de 34 ans, est le plus jeune élu socialiste de la région. La radicalisation n'est pas simplement islamiste. Je mets d'ailleurs en garde contre une extrême gauche. Faut faire attention dans le langage. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Donc ça va se jouer à un poil de bite. Poil de bite. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Appel général à tous les technos. Bien sûr que je fume, mais c'est pas une raison. Au liqueur, marseillaise, le pétard laser. Et on te couchait. Au liqueur marseillaise, le pétard, la bière. Voilà enfin un programme clair. Ok pour le pétard, à la limite la bière. Mais la marseillaise, est-ce bien nécessaire? Pour la White Widow, direction Place Beauvau. Pour la Wayenne, ça se passe rue de Varennes. Place Vendôme, tout le monde est stone. Et au Quai d'Orsay, Skype à volonté. Au liqueur marseillaise, le pétard, la bière. Mais qui paiera l'amende, la taxe policière? Ça fume sous les dorures, ça plane à Matignon. Et ça veut distribuer des contraventions. Pour la White Widow, direction Place Beauvau. Pour la Wayenne, ça se passe rue de Varennes. Place Vendôme, tout le monde est stone. Et au Quai d'Orsay, Skype à volonté. Au liqueur marseillaise, le pétard, la bière. Prière de faire tourner dans tous les ministères. Peut-être même qu'on trouve des plantes ventilées jusque dans les placards de l'Élysée. Oh, les cœurs marseillaises, le pétard, la bière. Mais 100 euros le joint, pour des pauvres, ça fait cher. Du coup, si on vous l'achète directement, on peut négocier ou ça se passe comment? Pour la White Widow, direction Place Beauvau, pour la Wayenne, ça se passe rue de Varennes, Place Vendôme, tout le monde est stone, et au Quai d'Orsay, skate à volonté. 150 élus marseillais ont lancé un appel pour une légalisation contrôlée du cannabis, est-ce que vous y êtes favorable? Bon, c'est une question difficile, compliquée, sur laquelle j'ai pas encore de réponse, parce que je vois bien le problème considérable. Vous envoyez les effets comme maire, ouais? Oui, bien sûr, ben, comme partout en France. Oh, les cœurs, marseillaise, fume pétard laser, et on rentre se coucher. Et tout de suite, on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. À Golfech, sur l'aéro-réfrigérant, aléa de capteurs de système de refroidissement et dégagement de fumée sans conséquence suite à la surchauffe d'une petite résistance. À Katnum, un transformateur à l'arrêt. À Katnum 2, dégagement de fumée. À Katnum 3, diesel de secours défaillant. À Katnum 4, tout va bien pour l'instant. Superbe idée de sortie scolaire. Partie de pêche dans les temps de Dampierre. L'eau était chaude, c'était magique. Les enfants ont pris des carpes magnifiques. Et parce que les grands aiment la nature aussi, à Civaux, macrophotographie. Le monde des insectes mutants vous fascinera, le tout dans un superbe panorama. À La Hague, une boîte s'est percée, laissant s'échapper de l'eau contaminée. Mais saviez-vous qu'à Golfech, il y a des ruchers, des moutons à Belleville et des ânes au Bugey? Avec tant de bonnes choses à disposition, on pourrait organiser une dégustation pour valoriser notre savoir-faire en produits dérivés éco-nucléaires. Des estives de Belleville, onctueux fromage frais, miel de Golfech intense et doré, carpe de Dampierre délicieuse, eau minérale de La Hague naturellement gazeuse. Faites-vous plaisir avec une cuvée du Blayet. 99, une excellente année. Goûtez-moi ce maroilles de Gravelines, garantie brassée dans la turbine. Et pour les grands jours, une valeur sûre, les champagnes de Bure. Tout ça made in France. Astrid, un grand merci pour cette météo qui nous met en appétit. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Et maintenant une bière, un pétard et au lit. Bon, eh bien, vous êtes de retour sur le magazine Libertaire et maintenant on va vous proposer un petit son qui nous vient d'une émission qui s'appelle La Revanche des Hérissons, une émission meuf transpédéguine. Et alors là, ça va causer de la loi travail et il va y avoir aussi quelques petites explications sur ce que sont les fameuses ordonnances de Macron. Et une petite info aussi qu'on peut vous donner, c'est que si vous voulez réécouter les émissions de La Revanche des Hérissons, ça se passe sur leçonunique.com. Voilà, on vous laisse avec les hérissons. La Revanche des Hérissons. L'actu, actu. Alors, aujourd'hui, la chronique actu a pour thème la réforme de la loi travail, prévue par Macron pour cet été, semble-t-il, parce que c'est toujours mieux quand les gens sont en vacances. Donc, cette loi travail, ça sera autour de grands axes qu'on va développer. Donc, ce sera sur la primauté des accords d'entreprise, le plafonnement des indemnités des prud'hommes, la fusion des institutions représentatives du personnel, la réforme par ordonnance, la suppression des cotisations sociales, et j'ai rajouté un point sur la réforme de Pôle emploi. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que le droit du travail, et plus globalement le droit français, s'applique selon un principe de hiérarchie des normes. Du coup, les normes et les lois sont organisées comme une espèce de pyramide, où en haut, il y aurait comme la Constitution, ensuite le Code du travail avec les lois et les règlements. En dessous, on aurait les accords de branche et les accords d'entreprise. Du coup, les accords de branche, c'est des accords entre entreprises et salariés d'un même secteur d'activité. Et ça concerne différents domaines, comme la modification du temps de travail, les salaires. À la base, c'est seulement si les dispositions sont plus avantageuses que le Code du travail. Donc, par exemple, ce sont les grands mouvements de grève qui ont abouti à des accords de branche sur le repos hebdomadaire ou les congés payés, qui ont ensuite été repris dans le Code du travail. Et en dessous, on a les accords d'entreprise, qui est à peu près la même chose, des accords entre chefs d'entreprise et salariés au sein d'une même entreprise. Et du coup, les normes du haut de cette pyramide, elles s'imposent à celles du niveau inférieur. Donc par exemple, le contrat de travail, il est censé être en accord avec toutes les règles qui sont au-dessus. Avec le respect d'un principe qu'on appelle le principe de faveur, ça veut dire que quand il y a deux textes qui sont en opposition sur un même domaine, on applique celui qui est le plus favorable aux salariés. Et depuis Sarko jusqu'à la loi El Khomri, les différentes lois sont revenues un peu sur cette hiérarchie en élargissant les domaines d'intervention des accords d'entreprise. Donc aujourd'hui, un accord d'entreprise peut être moins avantageux que le code du travail et peut être moins avantageux qu'un accord de branche. Et de base, ce sont ces accords qui s'appliquent et c'est quand l'accord il dit rien qu'on va chercher dans le code du travail s'il y a des informations intéressantes pour la situation des salariés. Et donc la loi Macron, elle a pour objectif de continuer dans la suite de ces lois-là concernant donc tous les domaines du code du travail. Et sur les accords d'entreprise et de branche, jusqu'à maintenant, pour être validé, un accord doit être signé par les syndicats qui représentent 30% des voix exprimées lors des élections professionnelles. Et s'il n'y avait pas d'accord, les syndicats ils pouvaient demander un référendum parmi les salariés pour trancher sur la question. Et Macron, il veut que quand les syndicats ne sont pas d'accord, c'est uniquement l'employeur qui peut demander à faire un référendum. Donc le deuxième thème, c'est sur le plafonnement des indemnités prud'homales. Donc la réforme concerne pour l'instant ce qu'on appelle les licenciements sans cause réelle et sérieuse. C'est que pour être valide, un licenciement, il doit être forcément fondé sur un motif réel et sérieux. Il doit être prouvé, prouvable, matériellement justifiable et suffisamment grave. Et du coup, quand la Cour des prud'hommes elle valide un licenciement abusif, les amendes elles sont plafonnées et les barèmes sont adaptés en fonction de la situation de chaque salarié, quoi, en fonction de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et de la difficulté à retrouver un travail suite à ce licenciement. Donc, par exemple, si tu es une salariée dans une entreprise de plus de 10 salariés avec plus de 2 ans d'ancienneté, potentiellement, tu peux prétendre à au moins 6 mois de salaire. Mais alors, du coup, ça met le MEDEF dans une insécurité un peu folle, parce que vu que c'est pas fixe, eh ben, c'est pas budgétisable. Et du coup, pour Jean-Jacques de la Compta, c'est un peu l'angoisse. Du coup, on notera que le problème, c'est pas vraiment de respecter le cadre légal des licenciements, hein, c'est pour les amendes que vraiment c'est trop chiant. Et ce qui est pratique, c'est qu'avec le plafonnement, c'est que ça se fait rarement vers le haut. Hein. Plutôt, on va aller vers le bas, c'est plus pratique. Ajoutez à cela que la justice de classe juge rarement les cols blancs. Hein. On est quand même qu'à 13% de condamnation des employeurs. Donc au final, on a peu de Jean-Jacques en insécurité totale. Mais bon, hein, c'est quand même important de faire ça, selon Macron. Donc après, on a aussi la fusion des institutions représentatives du personnel, qu'on appelle les IRP. Donc il y en a 3, tu as les délégués du personnel pour les entreprises de moins de 11 salariés, pour plus de 11 salariés, les comités d'entreprise et les conseils d'hygiène, de sécurité et les conditions de travail à partir de 50 salariés. Donc Macron, il veut créer une seule IRP pour limiter les effets de seuil. Du coup, les effets de seuil, c'est quand tu es une entreprise de 49 salariés, tu n'as pas envie de recruter un autre salarié parce que du coup, tu vas devoir avoir un CE, un CHSCT, t'occuper un peu d'améliorer les conditions de travail et de tes salariés, proposer des formations professionnelles. Du coup, ils proposent une délégation unique du personnel pour les entreprises de 50 à 300 salariés. Donc pour l'instant, c'est un peu flou. Hein. En dessous de 50, on ne sait pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y aura toujours des IRP ou plus du tout? Et c'est quoi le rôle de ces DUP? On ne sait pas trop. Bon, globalement, les réformes des institutions représentatives des salariés, c'est jamais très bon, quoi. Donc aussi, notre très cher Emmanuel a une proposition fantastique pour pas l'air d'avoir utilisé le 49.3 à outrance, parce que c'est un peu dépassé tout ça, ça faisait des oppositions, puis ça fait tâche sur le bilan de mandat, après on est rendu à toquer aux portes pour pouvoir être Premier ministre. Donc on a inventé les ordonnances, c'est super, c'est post-49.3 et c'est super moderne, ça permet surtout d'éviter les amendements, les propositions parlementaires, et ça permet que les réformes soient validées telles quelles, donc ni discutées, ni modifiées, soit t'acceptes tout, soit tu refuses tout. Donc le Parlement, il votera une fois pour dire OK pour les ordonnances, et après il se prononcera donc une fois par ordonnance. Donc voilà, le gouvernement pourra prendre toute mesure qui ressort du Code du travail sans passer par le Parlement. Donc on fera un autre point plus précis tout à l'heure, mais c'est quand même drôlement pratique. Ensuite, on a aussi l'avant-dernière proposition, c'est la réduction des cotisations sociales, donc principalement patronales, hein. C'est pouvoir Macron il a très envie de promouvoir le SMIC parce que quand même hein, on vit hyper bien avec le SMIC. Du coup la proposition concrète c'est de supprimer les charges sociales, donc principalement patronales comme j'ai dit, où on nous fait un petit enrobage pour dire oui ça fera augmenter le revenu net du coup. Bah non, en fait si tu supprimes les cotisations tu supprimes juste tes cotisations puis tu touches ton revenu net comme avant, parce que le revenu brut c'est le revenu net et tes cotisations. Donc si tu supprimes tes cotisations, il reste la même chose que ce que tu touchais avant. Sauf que tu tires plus de ton travail tes cotisations à la Sécu, Pôle emploi ou retraite. Et du coup, la suppression des cotisations, c'est juste la suppression des cotisations, quoi. Et du coup, vu que tu cotises plus pour la sécurité sociale, il y a moins de ressources. Et du coup, une autre proposition de Macron, c'est de moins rembourser les frais de santé. Et du coup, ben, ce que tu cotises pas, ben, tu devras le payer en frais réels, puisque tu seras plus remboursé. Et ce qui nous attend aussi, c'est la nationalisation de Pôle emploi. Donc aujourd'hui, Pôle emploi a une relative souplesse d'organisation, donc financière, de recrutement et de gestion de un peu de sa politique, quoi, avec une organisation paritaire. Donc l'organisation paritaire, c'est que le CE de Pôle emploi, c'est l'État, les organisations syndicales de salariés, d'employeurs et les collectivités territoriales qui prenaient un peu les grandes orientations, mais c'était Pôle emploi qui met en œuvre. Et la nationalisation, ça veut dire que c'est l'État qui gère, il recrute, il verse les allocs et il décide quel contrôle. Donc le projet, c'est d'augmenter les contrôles et donc les sanctions. Donc son programme, c'est une fois que tu deviens demandeur d'emploi, tu vas avoir un bilan de compétences dans les 15 jours qui suivent ton inscription. Et au niveau de la recherche d'emploi, au bout de 2 refus d'emploi dits décents, bon alors on ne sait pas trop ce qu'ils entendent par décent. Nous, la décence, on a bien une idée de ce que c'est, mais on pense que ce n'est pas vraiment la même échelle, quoi. Donc, au bout de deux refus d'emploi décents, refusés, ou que l'intensité de la recherche est insuffisante, eh ben, tu seras plus payé par Pôle emploi. Voilà. Donc voilà, c'était la chronique actu, joyeuse et pleine de promesses. Hein. Donc, on va écouter La Lega, pour se remettre un peu dedans, un chant de travailleurs italiens. C'est ben que siamo donne, paura non abbiamo, per amor de nostri figli. Per amor dei nostri figli, se benché siamo donne, paura non abbiamo. Per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. Non c'è l'unione, cromiri col padrone, cromiri col padrone, la libertà non viene perché non c'è l'unione, cromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Gouverner par ordonnance. Puisque le mot est dans l'air du temps, on s'est dit que c'était pas un luxe de vous proposer une petite définition du sujet, histoire d'être un peu au point sur le discours technique pour les mois qui arrivent. Alors, le plus couramment, lorsque le gouvernement et le président veulent faire une loi, eh bien ils envoient leur projet de loi à l'Assemblée ou au Sénat, qui le discute et peut le modifier un peu, puis le voter ou pas, puis ils l'envoient à l'autre Assemblée, qui le discute, peut le modifier un peu et le voter ou pas. Là, si les deux assemblées sont d'accord, on dit « voter en première lecture ». Sinon, c'est renvoyé à l'autre assemblée qui peut soit le rediscuter, le remodifier un peu, puis le revoter ou pas, ainsi de suite. Après, il y a des commissions, tout ça. Tout ça prend du temps, et lorsque le gouvernement veut changer une loi rapidement et sans s'embarrasser de toutes les petites modifications des parlementaires et des discussions avec les partenaires sociaux, sans laisser le temps non plus aux possibles mouvements sociaux de se mettre en place. Bref, lorsqu'il ne veut pas ouvrir le débat, eh bien, il peut demander au Parlement de voter une loi d'habilitation pour pouvoir gouverner par ordonnance. Par cette loi d'habilitation, les deux assemblées du Parlement autorisent le gouvernement à prendre lui-même, et dans un délai limité, des mesures qui relèvent du domaine de la loi. Alors, dans la hiérarchie des règles, la Constitution est en haut. En dessous, on a les lois qui ne peuvent pas aller contre la Constitution. Ensuite, on a les décrets qui doivent correspondre aux lois. Et enfin, les arrêtés. C'est comme un jeu de poupées russes. On est donc là au niveau de la loi. Dans le cadre de l'ordonnance, le gouvernement ne peut rien proposer qui toucherait aux lois organiques, celles qui règlent le fonctionnement des institutions, aux lois de finances, celles qui définissent la répartition des sous entre les institutions, le budget quoi, ni enfin à la sécurité sociale. Une fois que ça c'est dit, il reste comme un paquet de trucs sur lesquels le gouvernement peut intervenir. Dans le délai que la loi d'habilitation autorise, le gouvernement va donc devoir faire son projet de loi. Et l'ordonnance va être prise en Conseil des ministres, puis signée par le président de la République et entrée directement en vigueur. On dit qu'elle est promulguée. Après ça, et seulement après, le gouvernement demande au Parlement de ratifier le projet de loi. C'est-à-dire que là, les deux assemblées peuvent dire si elles sont d'accord ou pas. Rien dans le contenu de la loi n'est discuté. Si le Parlement est d'accord et que ça rentre dans la Constitution, alors l'ordonnance devient la loi. Sinon, l'ordonnance devient seulement un décret, ce qui signifie que tout ce qui est dans le texte et qui va à l'encontre de la loi déjà existante ne peut pas entrer en vigueur. Concrètement, ça annule le projet de loi. Pour rappel du calendrier, le gouvernement d'Édouard Philippe va donc demander au Parlement, après les législatives de juin, de voter une loi d'habilitation pour pouvoir gouverner par ordonnance. C'est la fin de notre petit point technique législative et je vous en souhaite une bonne digestion. Et ben voilà, vous êtes de retour sur le magazine Libertaire. Et bien, vous aimez du Macron. En voilà encore une double ration. Bon, et ben ça y est, c'est l'été et le temps tant attendu des grandes vacances. Avec ses embouteillages caniculaires et une pensée particulière, une fois n'est pas coutume, à papy mamie. Avec ses glaces fondantes qui foutent en l'air les t-shirts des marmots torgnolés. Avec son sable fourbe sous les paupières, ses rochers acérés sous la voûte plantaire. Et bien sûr, ces ordonnances ratifiées en loose-dé pendant que le peuple se fait rôtir à point pour pouvoir servir de hors-d'œuvre tonale. Mais, heureusement, un sauveur nous est né. Et il viendra nous délivrer des affres vacancières de notre ville moderne, à l'aide de ce qu'il nous faut. Et ce qu'il nous faut, c'est du boulot. Car oui, je vous le dis, le boulot, c'est bien. Ça occupe l'esprit et les mains. Ça façonne l'esprit et les mains. Et puis, ça rabote l'esprit et les mains. Mais ça, il faut pas trop y réfléchir. Non, il faut penser positive attitude, comme Laurie ou Raffarin. Là, c'est vous qui voyez, en fonction de la référence que vous préférez. Les syndicats, eux, qu'ils soient lauriens ou raffariniens, ont, quoi qu'il en soit, opté officiellement pour cette positive attitude, inspirée, aspirée et recrachée par Macron pour tenir les représentants syndicaux dans son giron d'influence. Seule la CGT semble jouer la timide rébellion en se positionnant comme, je cite, « témoin muet » des discussions gouvernementales visant à modifier le code du travail par une nouvelle loi dite d'habilitation et prévue pour la rentrée. Enfin des réformes, enfin du changement, et maintenant, Hollande n'aura donc pas servi à rien. Fini la dictature du prolétariat. Et oui, car à partir de septembre prochain, si tout se passe bien, les employés pourront être sereinement licenciés grâce au, entre guillemets, motif incontestable de rupture de contrat. À savoir des difficultés économiques dans l'entreprise pouvant s'apparenter à des dégradations de trésorerie, des baisses de commandes ou encore de chiffre d'affaires. En gros, vous vous arrangez pour claquer suffisamment de pognon dans ce que vous voulez et une fois tout ce pognon réinvesti, ou la concurrence rachetée, ou la déco des bureaux refaite, hop, vous vous débarrassez de votre surplus d'estomac à bras et c'est reparti pour un tour de bénéf. Si en plus vous êtes coté en bourse, alors là, c'est jackpot. Un autre truc chouette dans la loi d'habilitation, c'est l'extension du contrat de chantier à de nombreux autres secteurs que celui du BTP auquel il était jusque-là cantonné. Très pratique ce petit contrat de chantier. En somme, dès qu'une mission est terminée, adios la fourmi. On garde tout contact, au cas où, pour d'autres missions futures, des fois que. Sinon, puisqu'on ne peut pas encore légaliser tout à fait le licenciement gratos, des gens très bien y travaillent, rassurez-vous. Des barèmes vont être mis en place afin de plafonner les indemnités de licenciement. Bas le plafonnement, hein. Sinon aucun intérêt. Et en prime, les juges n'auront plus aucun pouvoir en la matière. Que demande le peuple ? Ah, tiens, non, cette fois-ci, ça marche pas. Et parce que Macron est vraiment très sympa, il a insisté personnellement pour qu'en plus, on puisse virer quelqu'un comme ça, pour le plaisir. Même si on n'a rien à lui reprocher, et qu'on a de toute façon besoin d'une personne à son poste. Des employés un peu récalcitrants, ou qui ne voudraient pas coopérer personnellement, dirons-nous, par exemple. Eh bien, pour ceux et celles-ci, il y aura aussi un barème maximum. Un petit peu plus cher que pour les autres, mais pas de souci, de toute façon, c'est provisoire. Petite cerise supplémentaire, plus besoin de justifier par un motif de licenciement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur la lettre. Incompétence, prénom dégueulasse, rien, travaille trop bien, a les yeux qui grattent. Ou même Arbeit macht frei, si vous voulez. On s'en fout, de toute façon, cette lettre n'a plus aucune valeur. Ou le juge n'a plus aucun pouvoir. Une fois de plus, c'est vous qui voyez. Perso, j'ai ma petite idée. Dans tous les cas, on pourra continuer de s'amuser. Parce que quand même, on ne le dit pas assez souvent, mais le travail, c'est rigolo. Un peu comme le loto. Mais maintenant, en perpétuellement gagnant. Hop, dès qu'une bête de somme nous ennuiera, il n'y aura qu'à s'en débarrasser et essayer un nouveau numéro. Peinard. Pour voir si celui-là répond plus spontanément aux exigences patronales que le précédent. Jusqu'à ce qu'on s'en lasse et qu'on passe au suivant. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Vos voisines font mal le tri sélectif? Le chat de votre voisin traîne dans votre jardin? Votre voisin n'a pas coupé son gazon à la hauteur réglementaire? Votre voisine refuse les compteurs Linky? Dénoncer son voisin, un geste simple, un geste utile, un geste civique. Ceci est un message de la Maison de la Tranquillité Publique de Nantes Métropole. Pour votre santé, dénoncez un ou deux voisins par jour. On trouve toujours un petit moment pour dénoncer son voisin. On est toujours à l'antenne du magazine Libertaire et là on va vous proposer d'écouter un autre son. Après cette petite page de pub, la semaine dernière, on avait promis de faire des trucs drôles. Bon, bah, moi, j'ai pas réussi, alors je suis allée piquer des trucs à d'autres gens. Et là, le son qu'on va entendre, c'est un son qui vient de Méga Combi, qui est une émission qu'on ne présente plus ici. En tout cas, c'est une émission lyonnaise qu'on peut écouter le mercredi de 18 à 19h sur Radio Canu. Et là, il s'agit de l'ouverture d'un squat sur la ZAD. On vous laisse écouter, ça dure une petite dizaine de minutes et on revient tout de suite après. Si tu es dans une zone classée d'intérêt écologique, le futur équipement s'étalera sur 1600 hectares, essentiellement du bocage, cher au cœur des éleveurs de la région. Les opérations de destruction des maisons ont commencé il y a un mois. Occupées par des éco-guerriers et des altermondialistes, depuis, la solidarité s'est organisée pour les soutenir. On est ensemble dans le même but, c'est qu'on ne détruise pas. Le projet de déplacement de l'aéroport de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes. Les écologistes et les agriculteurs s'insurgent, les leaders verts étaient sur place aujourd'hui avant une grande manifestation nationale. Mais du coup, Europe Écologie et les Verts, ça fait longtemps en fait qu'ils jouent le jeu de la division et qu'ils se désolidarisent d'actions qui sont menées sur le terrain pour s'opposer concrètement aux travaux. Et du coup, il y a eu pas mal de moments où ils ont condamné des actions, notamment quand elles visaient le PS, qui pourtant est l'un des principaux porteurs du projet. Et puis on comprend bien pourquoi eux, ils peuvent pas viser le PS, parce que sans le PS, ils ont pas de siège et ils ont pas de subvention et ils ont rien. Et ils sont rien. Et notamment Jean-Philippe Magnin, qui est le cadre d'Europe Écologie Les Verts Loire-Atlantique, qui a déclaré « Ces ultras sont totalement autonomes, on se demande comment les virer ». J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on se pose un peu la même question pour Les Verts. Que c'est assez facile de se désolidariser de formes d'action directe et d'ensuite venir récupérer un mouvement qui a pris cette ampleur-là exclusivement grâce à ces formes d'action-là. Aujourd'hui, ce sont les écologistes qui ont joué symboliquement du tournevis devant les caméras afin d'ouvrir une des maisons condamnées par les autorités sur le site du futur aéroport. Il faut savoir que quand nous on fait ça, on a des procès. Hein. Y a des amis qui se passent en procès, par exemple en décembre, pour vol en Réunion parce qu'ils ont enlevé les portes anti-squat d'une maison. Et là, eux, ils peuvent se permettre... du fait de leur statut d'élu, du fait de leur statut de dominant, là, de dénaturer ces actes, d'en faire un simple spectacle. C'est un acte où l'ensemble des députés, sénateurs et députés européens s'engagent à dire nous continuons l'action, c'est pour nous un premier pas. Du coup, voilà, bah, il suffit d'arriver, mettre un coup de pied de biche devant une caméra et dire c'est super, on soutient la lutte, alors qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est pensé avec les gens qui vivent ici. Et quand je dis les gens qui vivent ici, encore une fois, c'est pas que des occupants, c'est les gens avec qui on a déjà fait des ouvertures de maisons de manière hyper collective là. Et du coup, je vois là-dedans qu'une tentative de récupération. Les écologistes avaient convoqué toutes leurs têtes d'affiche. Quelques élus du Modem et parti de gauche étaient là également. La maison est rouverte. Elle sera, nous dit-on, proposée à des sans-abri. Méga Cambier. Là, on quitte la ZAD pour aller à Grandchamp. Reportage. On va aller rendre visite aux gens qui ont ouvert un squat vendredi. Et on va voir s'ils ont bien dormi, s'ils ont besoin d'eau. Nous, on a pris un peu de café, là. Ouais. Donc, de quoi faire des tartines, donc du pain, du beurre et de la confiture. Bah, c'est précaire au début, hein. Ouais. Les 48 premières heures sont les plus dures. Donc, on va aller les voir, quoi. Et un petit soutien moral, parce qu'ils doivent se sentir seuls. José ? Tu nous ouvres ? On a du café ? José ? Non, y'a personne. Peut-être qu'il dort, non, il est tôt. Bah quand même, il est presque 11h. Qu'est-ce qu'on fait hein? On va peut-être aller demander aux voisins, hein, si peut-être ils ont été boire le café chez les voisins. Ouais. Ah, y'a de la lumière. Bonjour. Bonjour. On fait de la radio pour Radio Canu, une radio libre de Lyon. Et on vient voir la maison de José Bové, Eva Joly. Ils ont ouvert hier, c'est celle qui est là-bas. Ouais, et du coup, on vient, c'est vos nouveaux voisins, du coup. Ah non, il n'y a personne. Hein. Ah bon? Ils sont arrivés à 11h moins le quart. Hein, José Bové est dans un quart avec Ronan Dantec, toutes les personnalités sont arrivées dans un quart. D'autres sont venus en voiture, bien sûr. Ils sont repartis vers midi et demi, 1h moins le quart, par là. 14h30, il y avait la gendarmerie qui était là. Et un camion est arrivé pour tout refermer. Les écologistes avaient convoqué toutes leurs têtes d'affiche. Quelques élus du Modem et parti de gauche étaient là également. La maison est rouverte. Elle sera, nous dit-on, proposée à des sans-abri. Ah non, il n'y a personne. Hein. On sait ici qu'il y a des têtes médiatiques qui l'ont crié sur tous les toits. Des personnes qu'on entend tout le temps. On ne voudrait pas les entendre aujourd'hui. Oh. Ce qu'on fait ici, c'est pas symbolique. Hein. On le fait pas pour les photos, c'est pas un spectacle. On le vit vraiment. Cette journée, c'est celle des gens qui luttent tous les jours de manière assidue et invisible, et pas dans des assemblées ou des gouvernements. C'est la journée celle et ceux qui se sont épuisés pendant 3 semaines à construire cette manif ou à résister aux expulsions. Et de celles et ceux qui sont en lutte contre ce monde. Cette manif, elle est auto-organisée, elle est entre nos mains à toutes, et elle doit revenir dans nos mains. C'est notre journée. Alors moi j'étais censée vous faire une petite description du cortège, d'estimer combien on est, où est le départ du cortège, où est l'arrivée, j'en ai pas la moindre idée. A priori on est nombreux, ça c'est sûr. Depuis le début des expulsions, il y a eu des milliers d'actes de résistance. Il y a des collectifs qui sont créés contre cet aéroport un peu partout. Il y a des milliers d'affiches qui ont été collées, des manifs qui ont été organisées dans un tas de villes. Des tas de reconstructions sur la zone, des maisons qui ont été laissées abandonnées sur la zone qui ont été réoccupées dans la foulée, des locaux du PS qui est porteur du projet qui ont été tagués, ouais. Des machines qui ont été sabotées, des interventions sauvages sur des radios, des barricades partout sur les routes de la ZAD, plein de bourses, de fringues, de bottes, de matériaux de construction qui ont été amenés, et tout ce que j'oublie sûrement. C'est grâce à tous ces actes de résistance qu'on a eu la force de tenir ici. Dans ces moments, c'est pas du soutien qu'on a trouvé, c'est pas des gens qui sont venus filer un coup de main, c'est des vrais complices. C'est des tas de gens qui s'inscrivent dans cette lutte. Cette lutte, on la fait tout ensemble. Sur l'objectif de la manif, du coup, on va se rendre sur un terrain dans le centre de la zone. Et on va y reconstruire, on va reprendre ce terrain. C'est un terrain qui est en cours d'expropriation et la procédure d'expropriation n'est pas finie. Du coup, je sais pas, vous avez sûrement vu dans le convoi, il y a tout ce qu'il faut pour construire. C'est un chantier qui s'arrête pas aujourd'hui. C'est un chantier qui va durer sûrement demain, dans la semaine aussi, de reconstruire d'autres lieux, que la réoccupation, elle s'arrête pas à cette manif et à ce moment-là. Alors, on veut pas dire merci parce qu'on partage la même colère. On voudrait dire bienvenue pour construire cette lutte ensemble. Mettre toutes et tous la main à la pâte et bricoler tout ça. Mais il y a combien ? Besoin de monde pour amener des tôles, s'il y en a qui savent pas quoi faire. Reportage. Il y a, alors là, il y a une, on va dire, il y a trois gros constructions là qui sont en train de se faire. Donc il y a le black bloc sanitaire au milieu. À droite, il y a une belle charpente. À mon avis, ils vont mettre une bâche, un truc comme ça. Ça va sûrement être un sleeping. Et puis après le black bloc sanitaire, là, bah une autre charpente encore. Qui est pas mal, c'est grand, hein. c'est grand. Et toi, t'es debout sur une planche où on est en train de visser. Bah ouais, il faut bien. Ça, ça va être quoi du coup? Donc là, on est en train de faire une cabane un peu plus, on va dire, raisonnable que les autres, mais tout aussi utile. Et alors, tout ça, c'est fait en palette? Ouais, donc là, on est palette sur des pneus. C'est des pneus au sol et des palettes par-dessus, et ensuite, on fait un plancher sur les palettes. Et après, il y a des murs qui sont préassemblés, qu'on va faire une partie de Lego, quoi. Il n'y a plus qu'à poser, mettre des vis et ça sera bien. La récup, quoi. La récup. Toi, t'es là depuis longtemps ? Moi, j'habite sur la ZAD depuis un an. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est hallucinant de voir tout ça, parce que c'est vrai que sur la ZAD, jamais il y a eu autant de monde d'un coup. Mais là, de voir des constructions se monter en deux jours, c'est impressionnant. Impressionnant. Il y a une énergie là qui se développe, c'est qui rayonne partout. C'est impressionnant quand on voit la chaîne humaine qui se fait. Il doit y avoir au moins plus d'une centaine de personnes qui se passent les matériaux sur 200 mètres. Pour que le matériel arrive jusqu'au chantier. Ouais, c'est ça, parce que les véhicules peuvent pas venir là. C'est génial, nous on s'est sentis seuls un peu pendant un moment quand on était sur la ZAD, parce que on avait l'impression de se défendre comme on pouvait, d'être un peu à poil face à tout ce qui se passait et ce qui nous arrivait dans la gueule. Et puis là, de voir autant de monde, enfin hier moi j'ai eu des chiffres entre 30 et 40 000 personnes, mais c'est impressionnant quoi, impressionnant, c'est vraiment génial, on se sent entendu et soutenu quoi. Près de 40 000 personnes sont venues samedi dans le bocage nantais pour soutenir les ZADIS contre l'aéroport et son monde, et malgré les tentatives de division, de récupération, eh bien ça a marché. Une dizaine de nouvelles constructions sont déjà habitables, les arbres de la forêt de la Rouanne ont déjà des nouveaux occupants et des barricades protègent tous ces lieux. Aujourd'hui, il y a encore entre 500 et 1000 personnes qui occupent le terrain, donc le village autogéré de la ZAD est sorti plus fort de cet automne brumeux en termes de répression. Vous aurez d'autres infos dans le Canu Info tout à l'heure, sur internet, sur zad.nadir.org. Et puis on a ramené plein de sons de ce week-end. Notre correspondant permanent est toujours sur place, donc on en reparle dans les prochaines semaines dans la méga combi. Salut méga combi. Je vous ai déjà dit que j'adorais votre émission et que c'est ça qui est un peu triste sur la ZAD, c'est que il faut télécharger votre émission pour pouvoir la repasser sur Radio Klaxon. On est de retour dans le magazine Libertaire, donc on vient d'entendre un extrait d'une émission de Méga Combi d'il y a quelques années. Et vous l'aurez compris, le truc drôle, c'était l'ouverture de squat par Europe Écologie Les Verts. François de Rugy, qui est parti marcher, nous te saluons. et le reste, ça parlait, vous l'aurez compris aussi, de la manif de Réoccup en novembre 2012. On va maintenant écouter un autre son qui s'intitule « Le relou de l'immeuble » qu'on a piqué sur Arte Radio. Et on aura qu'à vous laisser écouter plutôt que de vous expliquer. À tout à l'heure. Bonjour Monsieur Prévost, c'est Monsieur Fouette. Oui, écoutez, je ne veux pas vous déranger, je vous amenais juste des sacs, vous savez, j'en avais parlé, des sacs qui ne se jettent pas, quoi, que vous gardez, parce que je vous ai vu que vous aviez beaucoup de sacs plastiques, c'est un peu idiot, je les retrouve dans la poubelle, et comme ça, avec ça, bah, vous le réutilisez. Merci beaucoup, merci. Voilà, je vois que vous laissez votre chargeur de portable branché, mais il n'y a pas le portable au bout, c'est un peu, c'est dommage, parce qu'on consomme de l'électricité. C'est mon chargeur, là. Oui, mais si vous voulez, c'est intéressant de... Vous savez, ça consomme quand ça reste branché sur la prise. Hein, c'est... Voilà, enfin, je vous dis... Hein, non, d'accord, oui, voilà. merci beaucoup. Voilà. Bon, parce que là, excusez-moi... Oui, d'accord. Okay. Non, mais merci, Monsieur Prévost. Bonne soirée, Monsieur Prévost. Les gens ont de mauvaises habitudes de vie. Ils n'ont pas appris, c'est tout. Donc, il faut leur apprendre. Chaque jour, chacun, individuellement, peut améliorer le sort de la planète en étant vigilant sur des petites choses. Merci. Et Monsieur Fougère, bonjour. Bonjour, Madame Forest. Bonjour. Oui, je vous dérange pas? Non, pas du tout. Non. Écoutez, je passais vous voir parce que je rentrais là du travail et en fait, j'ai acheté un journal et je voyais dedans qu'il y avait un article très intéressant sur les litières achats parce que, vous savez, vos litières, elles sont pas, oui, sont pas complètement bon, économiques. Vous voulez un petit café, vite fait? Ah, c'est pas... Allez, de refus, oui. Je vais le journal de côté. Vous avez donné des filtres, là. Vous savez, les filtres naturels. Les filtres, vous m'en avez donné plusieurs, alors je me souviens plus. Pour la cafetière? Oui, pour la cafetière, les filtres naturels. Oui, vous savez qu'ils ne sont pas traités. Le tout café ça. Est délicieux. Ah, je suis d'accord. Allez, asseyez-vous. Oui, c'est gentil. Il y a un peu des sacs plastiques partout parce que j'ai fait des courses. Oui. Vous n'utilisez pas le sac que je vous ai donné, là, qui, vous savez? Si, mais là, je l'avais oublié. Ah. Mais je l'utilise à chaque fois. Non, parce que c'est en vraiment fait, bien. C'est vraiment pratique. Je reviens tout de suite, je vais faire le café. D'accord, à tout de suite. Attendez, je peux vous aider. Il a l'impression qu'il fait ça pour nous, pour notre bien. Alors c'est difficile de lui dire les choses d'une façon définitive ou agressive. C'est pas possible, il est gentil comme tout. Alors... Oh, vous avez une plaque allumée, là. Ah, oui, j'ai oublié, c'est parce que vous avez frappé à la porte. Ah, oui. Vous savez combien ça une plaque comme ça, hein, au niveau kilowatt, oui, c'est dangereux, je sais bien. Ouais, puis ça coûte, quoi. Et je suis persuadée qu'il est extrêmement sensible. Mais... il faut qu'il change d'attitude. Ça serait quand même mieux. C'est du café bio. Et vous êtes pas dans votre chambre à coucher, là, si je me trompe? Parce qu'il y a une lumière allumée, ça sert à rien. Je vous le dis comme ça. J'ai dû oublier. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas vous grave. Vous faites penser à ma mère. Vous savez... chaque fois que j'oubliais la lumière, elle me tensait. Oui, mais les parents, ils avaient raison. Moi aussi, hein, me disaient, éteins ta lumière en sortant. Je le faisais pas au début. Maintenant, je le fais. Vraiment, hein. Oui, bah oui. Quand on est enfant, on le fait pas. Mais on est grand maintenant. Hein. Bon, ben. Ben, santé. Merci, c'est gentil. C'est très bon, hein, ce que fait. Vous voyez avec les filtres que je vous ai recommandés, oui, c'est meilleur. Hein, c'est meilleur. Bon, je ne vais pas pouvoir vous garder très longtemps parce qu'il faut que j'aille travailler là. Bon, enfin, à l'occasion, je repasserai. Merci beaucoup, Serge. Hein. De rien. Au revoir, Madame Forest. Voilà, bon, ben voilà, c'est un peu ce que je vous disais. Il faut un peu insister, quoi. Mais les gens sont bienveillants en fin de compte. Excusez-moi, Monsieur Prévost. Oui, je voulais juste vérifier. Oui, vous avez bien débranché. Non, vous n'avez pas encore débranché votre portable. Mais je l'enlève tout de suite. Excusez-moi, d'accord. Parce que là, j'attends quelqu'un. D'accord. Au revoir, Monsieur Prévost. Merci pour le portable, pour le chargeur de débrancher. Je ne suis pas en charge du tout de l'immeuble. Non, non, c'est une démarche, moi, je dirais, citoyenne. Vous êtes concerné. Je ne suis pas ni le gardien, ni quoi que ce soit. Vous êtes concerné. Je vous montre le chemin. En fait, c'est ce que je dis aux gens, hein. Bonjour Mimi. Ah, vous m'avez fait peur, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je regardais un petit peu là, parce que j'ai... jette mes poubelles. Vous les jetez dans la bonne? Écoutez, c'est vert, c'est jaune, Et c'est quoi là, dans votre poubelle? En gros, c'est du linge que je viens de débarrasser, j'ai pas trop le temps d'aller ailleurs. Et du linge, non, ça se recycle le linge, on le met pas dans la poubelle. Je sais bien, mais je connais personne que... Non, je vais m'en occuper, Mimi. Je vais vous prendre ça, il y a des associations qui s'occupent du linge. Oui, je sais bien, mais vous nous le dire, il suffit de la mettre sur les boîtes à lettres et ça... Non, mais je m'en occupe, vous inquiétez pas. Ouais. Bah oui, mais bon, à chaque fois... Bonjour, Benjamin, ça va? Bonjour. Oui. Vous avez bien mis vos bouteilles, hein, dans la... J'ai remarqué. Ah bah, toujours, tous ces jours. C'est pas le cas de tout le monde, mais enfin, vous le faites, c'est vrai. Alors, je dis aussi de pas trop... parce qu'ils utilisent pas mal d'eau pour le sol, il n'y a pas besoin de temps, en fait. Mais bon, ça... Mais là, ça va, comme ça. Comme ça, c'est très bien. Ça va? Comme ça, c'est très bien, ouais, on a amélioré ça. Et c'est évidemment avec le savon biologique, là, que vous faites, hein, je vous ai conseillé. Je sens à l'odeur, hein. C'est pas le savon que je vous ai dit de prendre. Ah bon? Ben oui, non. Mais prenez-le, je vous assure. Ah d'accord. Parce que ça dégage, c'est pas bon, quoi, c'est polluant. D'accord, mais qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme... Savon biologique. Juste comme ça? Oui, oui. Ok. Hein, savon noir, des choses comme ça, des choses naturelles. Ah, si savon noir, d'accord. C'est bien d'avoir des conseils comme ça dans votre immeuble. Hein. Oh oui, c'est bien. Moi, je vous laisse, hein, parce qu'il faut que je nettoie. Oui, tout à fait. Au revoir, Monsieur Gonzague. Au revoir, Monsieur Fougère. Au revoir. Super, super, voilà. Ah, c'est bien. Bon, bah, Mimi, quelque part, désolée, oui, non, mais vous inquiétez pas, je m'en occupe. Sur la boîte aux lettres. Ouais, je m'en occupe. Non, vous embêtez pas. Je ferai au mieux. Ouais, hein. Ah, c'est pas facile. Hein. Allez, bonne soirée. Allez, au revoir. Au revoir. Oh, mais qu'est-ce qu'il est chiant, ce mec. Il y a quelqu'un qui parlait de vous, je ne vous dirai pas c'est qui, mais qui vous appelle le relou de l'immeuble. Ah, Arte. Ah oui. Bah oui, oui, bien sûr, c'est inévitable. Hein. À partir du moment où on fait des choses que les autres ne font pas, Radio. Voilà, on est un peu différent. Hein. Voilà, je ne devrais pas être différent d'ailleurs, c'est les autres. Quoi hein, on devrait tous être sur la même longueur d'onde, hein, dans le bien commun. Quoi. Voilà. Comme. On est de retour dans le magazine Libertaire. Et on voulait passer une autre petite page de publicité avant de passer aux annonces. Vos voisins sont allés à la manif contre l'aéroport. La maison de votre voisine est squattée. Votre voisine a laissé le robinet couler pendant qu'elle se lavait les dents. Le fils du voisin laisse son ordinateur en veille plutôt que de l'éteindre. Dénoncer son voisin, un geste simple, un geste utile, un geste civique. Ceci est un message de la Maison de la Tranquillité Publique de Nantes Métropole. Pour votre santé, dénoncez un ou deux voisins par jour. Alors nous sommes dans l'émission du magazine Libertaire jusqu'à 22h et c'est l'heure des annonces. Donc on rappelle que ce soir à Beach, aux ateliers Beach, 3 rue de Beach, il y a une représentation de la pièce de théâtre « Pisser dans l'herbe » donc, qui a été écrite en collaboration avec Christine Ribailly, donc, qui était une bergère détenue pendant 4 ans et qui est interprétée par Philippe Gaminier et mise en scène par Marie-Paul Guillet. Donc ce soir c'est à Beach et demain soir ce sera du côté de la Wardine sur la ZAD à partir de 20h30 aussi. Ok, et eh bien moi je vais vous annoncer une journée pour Adama Traoré, donc, qui est décédé il y a un an déjà. Adama Traoré, jeune homme de 24 ans, est tué le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, lors de son interpellation par des agents de la gendarmerie de Persan. Le comité Vérité et Justice pour Adama organise une journée de rencontre et une marche à Beaumont-sur-Oise. Lors de cette interpellation, alors qu'il n'oppose aucune résistance, il est maintenu au sol sous le poids de 3 gendarmes qui le menottent. Il se plaint à de nombreuses reprises de ne plus pouvoir respirer et perd connaissance dans le véhicule. Une fois à la gendarmerie, il est laissé gisant au sol, encore menotté. Les pompiers ne parviendront pas à le réanimer. Ce sont, sans nul doute possible, les techniques d'interpellation, la clé d'étranglement et le plaquage ventral qui l'ont tué. Des techniques à l'origine de nombreuses morts et qui sont à ce jour qui ont été utilisées encore contre lui. Depuis ce soir, les autorités de la gendarmerie, la mairie de Beaumont-sur-Oise, les instances judiciaires ou encore le ministère de l'Intérieur ont déployé un tissu de mensonges et ont exercé toutes les pressions possibles afin d'entraver notre lutte pour la justice et la vérité pour Adama. La mort d'Adama s'ajoute hélas à la longue liste des victimes des meurtres et des mutilations perpétuées par les forces de l'ordre. L'histoire de notre fils, frère et ami fait aujourd'hui écho à des centaines d'histoires ignorées ou méprisées par la justice. Le combat mené depuis un an, à présent, a permis de mettre en lumière de nombreux mensonges des institutions judiciaires et politiques. Cette lutte, menée par la famille, les amis et les habitants de Beaumont-sur-Oise, Champagne, Persan, Bruyères et toutes les villes limitrophes, a su être efficace, et ce, dès le lendemain de la mort d'Adama. Les circonstances de la mort d'Adama ont ainsi pu être clarifiées. Grâce à une contre-expertise demandée par la famille, il est désormais établi que l'asphyxie est la cause de sa mort. Cette lutte ne s'est pas faite sans sacrifice et sans douleur. Depuis la mort d'Adama, notre famille doit affronter l'acharnement et la répression des institutions judiciaires. Depuis le 19 juillet 2016, Bagui, Youssouf, Cheikhne et Yacouba Traoré, Doums et d'autres soutiens ont été arrêtés et certains dorment toujours derrière les barreaux. La lutte pour la vérité et la justice au nom d'Adama est un pénible parcours où tout est mis en œuvre afin de détruire notre famille en nous harcelant et en tentant de nous noyer sous les affaires. La première violence provient des gendarmes responsables de la mort de notre frère, fils et ami Adama. Or, c'est notre famille et nos quartiers que la justice tente de criminaliser. Nous devons nous battre pour notre droit à la vérité et à la justice, alors même que les gendarmes responsables de la mort d'Adama n'ont à ce jour pas été entendus par les gendarmes afin de procéder à une mise en examen. Bagui et Yacouba Traoré, Dounz et tous nos soutiens qui sont toujours en prison doivent se battre depuis leur cellule pour la vérité et la justice. Nous mettons toutes nos forces dans ce digne combat. C'est pourquoi nous vous invitons tous à participer à la première commémoration de la mort d'Adama le samedi 22 juillet 2017, donc à Boyenval et à Beaumont-sur-Oise. Nous marcherons en son nom dès 14h30. Nous organisons également un grand repas, de nombreux échanges, un théâtre forum et des animations pour enfants. Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour cette journée aussi importante qu'intense dans notre combat. Rendez-vous donc samedi 22 juillet dès 14h à Boyenval-Beaumont-sur-Oise. Pas de justice, pas de paix. Et c'est signé le comité Vérité et Justice pour Adama. Ce week-end, c'est le rassemblement annuel contre l'aéroport à l'invitation de la coordination des opposants. Donc c'est à Notre-Dame-des-Landes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes le 8 et le 9 juillet. Cette année, comme tous les ans, il y a un invité, enfin il y a des invités d'honneur et cette année, c'est les opposants et opposantes au projet Europa City, donc qui est un projet en région parisienne de bétonnage, en fait, en région parisienne, de bétonnage de terres agricoles en région parisienne, pour faire un espèce de parc de loisirs géant avec des commerces, des trucs de luxe, tout ça. Du coup, je vais vous dire vite fait deux, trois trucs du programme que j'ai arbitrairement sélectionné, mais j'ai même pas sélectionné tout ce qui pourrait être intéressant. Donc, il y a les personnes, il y a une conférence, je sais pas si c'est une conférence, une discussion, sous le chapiteau 1 de 13h à 14h50, samedi 8 juillet, avec les personnes, du coup, qui luttent contre ce projet d'Europa City dont je viens de parler. Le samedi, toujours entre midi et 14h, il y a un pique-nique des opposants et opposantes de l'agglomération nantaise, qu'ils soient membres ou non d'un comité de soutien. Et du coup, c'est le moment en fait d'aller rencontrer des gens. Si vous avez envie de vous renseigner sur la lutte du côté de Nantes contre cet aéroport, donc je redis, c'est samedi de 12h à 14h, c'est un pique-nique. Donc venez avec votre pique-nique. Et c'est alors ce rendez-vous au stand qui sera dédié en fait au comité locaux du coin, mais je sais pas où il sera ce stand. Sûrement il y aura un plan sur place. Dans les autres trucs, il y a aussi une discussion intitulée Les paysans dans la lutte des classes. Ça c'est toujours samedi et c'est à 15h dans le chapitre 6. Il y a des rencontres des comités de soutien. Donc, il y en a une première samedi, donc, de comités de soutien, de tous les comités de soutien, enfin, toutes les personnes qui ont envie de venir, avec qui font partie de comités de soutien, ou non, j'imagine. Donc, c'est samedi, sous le chapiteau 7, à 13h, et c'est aussi dimanche, à 16h30, toujours sous le chapiteau 7. Toujours chapiteau 7 et toujours samedi à 15h, il y a une discussion sur les violences policières et l'antiracisme politique avec Mathieu Rigouste, avec le comité Justice et Vérité pour Babacar Gaye, avec le CRED, avec Passe en nous, avec Justice et Vérité pour Ali Ziri, avec La Révolution est en marche, qui n'est pas le mouvement d'Emmanuel Macron, hein, et avec le collectif Vie Volée. Toujours sur le thème de la répression, une discussion sur répression, état d'urgence, comment lutter, c'est à 17h, toujours chapitre 7, et c'est avec le collectif national de l'Assemblée des blessés par la police. Il y a une discussion aussi sur les nouvelles formes de lutte contre la métropolisation, ça c'est à 15h, c'est le chapitre sous chapitre 9, donc tout ça c'était samedi. Toujours samedi, moi les concerts, j'avais pas spécialement envie de leur faire de la pub, enfin il y en a que je connais pas, mais il y a des trucs auxquels j'avais pas envie de faire de la pub, sauf que à 18h il y a ZAD Social Rap, et ça vaut le coup d'aller le voir. Donc c'est sur la grande scène, c'est de 18h à 18h40. Dimanche sous le chapitre 6 à 16h30, il y a Histoire du ZAD Social Rap. Bon, ça après le concert, alors si vous aviez envie de savoir ce que c'était avant d'y aller, bah, ça marche pas, mais vous pouvez aller voir le concert et après aller voir comment ça fonctionne, enfin comment c'est né en fait le ZAD Social Rap. Toujours dimanche, toujours à 16h30, il y a la deuxième partie de la rencontre des comités de soutien. À 13h dimanche, il y a une autre discussion sur, enfin la suite de la discussion sur violence policière et antiracisme politique. Et il est 22h. Et quand même, si, il faut quand même qu'on dise au revoir parce que c'est la dernière de la saison et qu'on va pas en octobre. Ouais. Alors on avait plein d'autres annonces aussi. On peut du côté de Bure, il y a plein de rendez-vous aussi cet été en juillet ou au 15 août, il y a une grande manifestation. Donc on peut vous renvoyer sur le site vmc.bure, il me semble, je sais plus. Point camp, voilà. Et voilà. Bon ben, on vous souhaite un bon été. On se retrouve en octobre. Ciao. Ciao. Ciao. Et venez voir sur notre site, peut-être on vous fera des surprises. 14 anni un po' di più. La tua barbie da un po' che non l'ha.